Pour la suite, toujours dans l'aspect hexagonal, encore une nouveauté, il s'agit du groupe Mort. Alors on en a déjà diffusé quelques extraits des différentes sorties studio de cette formation rouennaise. On est sur du Black qui a vu le jour en 2014. Et voilà, avant ça on avait eu une démo, un live, ce que de mémoire on avait déjà diffusé, je pensais qu'on en avait sorti un petit peu plus, en bref. C'est le premier véritable album studio, un album qui voit le jour chez les Acteurs de l'Ombre. On est sur un Black avec une approche plutôt rao, atmosphérique, typé années 90. On est sur une belle consanguinité de la scène normande, puisque dans le line-up on trouve un ancien Zikos de Sordide, un actuel membre de Ifernet. Donc voilà, on est sur un line-up plutôt expérimenté, et ça se ressent clairement dans la brute mélancolie de ce premier effort studio longue durée. En doublette avec Mort, on s'écoutera un autre extrait du nouvel effort studio de Argile, le projet 100% parallèle maintenant des membres de Misanthrope. C'est le troisième effort studio qui vient de sortir, 14 ans après le dernier monumental Monolith. Un effort bien garni une fois de plus, 12 titres pour 80 minutes, de leur recette assez spécifique, hein, Doomy Black Death, très avant-gardiste toujours. C'est un peu plus éclectique qu'un Misanthrope, c'est un peu moins technique et frontal. Et surtout, tout est chanté en anglais. Au niveau des morceaux choisis pour illustrer cette nouvelle doublette, Mort, on s'écoutera le morceau Eden, extrait d'album Hear the Ur Nearing, Argile, Giant Titan Mysteries, extrait de l'album Spleen Angel. C'est parti. Alchemia Build the Monkey, c'est la doublette de clôture de cette spé française. Tout d'abord, Alchemia, c'est une récente formation de Black qui nous vient de Lille. Le tout premier effort studio vient de sortir chez Malpermesita Records sous forme d'un album. 5 titres avec de nouveau dans le style des morceaux généreux de 5 à 11 minutes. C'est un album plutôt bien rempli. On retrouve le vocaliste de Asiard à la basse et un gratteux de chez Nirnes. On est sur une influence musicale qui va chercher dans les scènes polonaises et suédoises avec une grosse base typique black metal français. Ça reste intense, furieux et ultra maléfique en fait, la musique de Alchemia. En doublette, on a donc Behold the Monkey, formation un peu plus aérée que tout ce qu'on vous a diffusé jusqu'à maintenant. C'est du Desert Rock, Stoner Rock nantais qui a vu le jour l'année dernière. C'est un petit EP qui vient de sortir. Ça groove, ça fuzz. La nana qui tient le micro en plus fait ça hyper bien. Donc voilà, ça aurait été dommage de se priver de la diffusion de cette toute première sortie de cette jeune formation nantaise. Les titres choisis. On a donc Alchemia Reminiscence, extrait de l'album Abraxas, Reminiscence Quintessence. Behold the Monkey, Press Play, extrait de l'EP The Incoming. C'est parti. Toujours à l'écoute d'Hellbanger, l'émission métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Retour à la diff internationale avec Critical Defiance, tout d'abord. Formation de Trash Plus qui nous vient du Chili, qui a bénéficié d'un focus la semaine dernière dispensé par l'ami Thibaut. Actif depuis bientôt 15 ans, c'est le troisième effort studio qui vient de sortir. On est sur du trash assez old school, limite Blackening Trash à la sauce Creator première période par exemple. C'est ultra riche, les compos vont de 2 à 3 minutes jusqu'à 10, donc voilà, ça laisse bien le temps de dérouler toute la créativité et l'efficacité des titres de Critical Defiance. En doublette, une formation de la Nouvelle-Orléans active depuis 2020, et c'est le premier album qui vient de sortir, qui fait suite à deux EP. Il s'agit de Brat, une formation qui fait pas mal parler d'elle. Le groupe se qualifie de Bimbo Violence. On aura le temps d'en reparler dans la prochaine émission en direct, parce que c'est un groupe dont j'ai vu une grosse hype il y a quelques temps. Je m'y suis pas intéressé plus que ça, j'attendais que la hype redescende, et je me suis penché sur le sujet très récemment, et on a vraiment de très très très bonnes choses. Et il y a beaucoup à dire sur chacun des musiciens qui ont vraiment une touche à apporter à l'essence du groupe et bien sûr à ce qu'ils proposent musicalement. L'album studio fait donc une vingtaine de minutes, contient 10 morceaux. C'est concis, efficace, un bon melting pot de tout ce qu'ils aiment, du thrash, du death, du hardcore et du grind. Et ma foi, l'équilibre est vraiment très très bien foutu. Au niveau des titres qu'on va s'écouter tout de suite, Critical Defiance, Long Distance, extrait de l'album The Search Won't Fall, Brat, Human Offense, extrait de l'album donc Social Grace, et au passage c'est quand même une sortie Prosthetic Records, c'est parti. Going to the night, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, Brat, c'était donc l'avant-dernière nouveauté dans l'émission de ce soir, et dans cette avant-dernière doublette, on va avoir la toute dernière nouveauté. Tout d'abord, Coffins, formation japonaise qui nous fait du Doom Death ultra massif. C'est le sixième effort studio qui vient de voir le jour, près de 5 ans après leur dernière grosse production. Discographie plutôt intéressante hein, pour un groupe cependant qui a vu le jour en 96. Et un peu à la sauce grind, le groupe a participé à un monstrueux paquet de splits tout au long de sa discographie. 8 titres d'un Doom Death bien identifiable, hein, c'est sale, c'est putride, et ça associe, ça équilibre bien les passages plutôt violents, plutôt rampants, à l'instar d'un Asphyx par exemple, mais avec cette touche nippone qui enrichit encore leur musique. Selbst, ensuite, dernière nouveauté dans l'émission de ce soir. Encore une formation qui nous vient du Chili, mais qui a vu le jour au Venezuela en 2010. C'est du black metal. On peut dire un one man band. Le troisième effort studio vient de sortir chez DB Mur Mortis. Cet titre pour environ 45 minutes d'un black assez dissonant, c'est intense. Et on est en même temps à la frontière parfois du post-black. Un résultat hyper bien travaillé où colère viscérale et séquences plutôt introspectives s'alternent avec un équilibre plutôt réussi. Au niveau de ce qu'on va s'écouter tout de suite, tout d'abord Coffins avec le titre Spontaneous Rot, extrait d'album Sinister Oath. Selbst, ensuite Chant of Cell Confrontation, extra album Despondency Chord Progression. Tout ça, c'est déjà dispo. We'll be right back. et une doublette en clôture d'émission tout en violence. No Man enchaîné à Eight Force. No Man tout d'abord, Can Kill Us All, c'est le titre que l'on va s'écouter tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette formation atypique? On est sur du hardcore punk qui nous vient de Washington, actif depuis 2017. C'est le troisième effort studio longue durée qui vient de sortir, 10 titres pour une trentaine de minutes. C'est pas ultra expéditif hein, comme un Brat, mais ça reste, ça va à l'essentiel. Une des particularités de la formation, c'est que c'est une femme qui tient le micro, elle nous vient de Palestine. Donc on ressent vraiment toute la rage et la colère dans ses lignes vocales. Un résultat viscéral, engagé, varié cependant. Des influences un peu post-hardcore qui sonnent un peu comme des faux calmes. Donc voilà, cette espèce de base un peu hardcore grind, death punk, un peu comme vous voulez, et qui défonce. C'est le tour et la clôture pour Eight Forest, un side project du monstrueux James Plig de Armsway, qui tient le micro dans les deux formations, avec dans line-up un de ses potes de Weekend Nachos. Actif depuis 2014, la formation sort son premier album en 2019. Et là, c'est le second effort studio qui voit le jour chez Close Casket. 10 titres pour 40 minutes d'un espèce de crusty hardcore death, grindisant, c'est ultra vénère, c'est nihiliste, c'est sombre comme pas possible. C'est très rare qu'on vous diffuse des groupes aussi dark, on va dire, dans cette veine hardcore. C'est une tuerie totale. La basse sonne ultra sale, elle est claquante, cinglante. Et finalement, James Plig est beaucoup plus radical dans ses lignes vocales que ce qu'on peut entendre dans Armsway. Et ça lui va magnifiquement bien. No Man, donc, comme je disais, Can Kill Us All, extrait de l'album Glitter and Spit. Eight Force, Firing Squad, extrait de l'album Systems of Terror. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, bonne fin d'écoute, et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.